L'oreiller. La semaine passée, une femme de la vallée lavait, au bord de la rivière, un oreiller de plumes sur lequel son petit enfant avait, ne vous déplaise, fort copieusement. Pour le mieux nettoyer, après avoir sabonné et frotté le coussin, elle le frappait à grands coups de battoir, comme la lessiveuse aux loques et draps sortant de la cuvelle. Elle le battit si bien qu'elle le creva. Et par le trou, toute la plume en sortit, tomba à l'eau et, suivant là-bas la rivière en courant, arriva au moulin, où, par-dessus les auges, elle rompit les éventelles, brisa les aubes, démolit les roues, disjoignit les claquets, renversa les trémies, fit sauter les meules, faussa les tourillons, arracha les nids, détruisit les aciers, troua les pagnons. Bref, en un mot pour finir, embarrassa, troubla, confondit pour toujours les secrets de la mécanique du moulin. En sorte que, plus jamais, on ne put moudre là le moindre grain du blé des sanciers, de l'orge des brasseurs, ou d'aucune denrée, et que le meunier, pourtant si adroit à voler, fut ruiné. Jusqu'à plus de 2 lieues loin, on entendit dans la rivière tousser les poissons que les plumes chatouillaient au gosier. Et beaucoup, et des plus gros qui en avaient avalé, en furent profondément incommodés et moururent de soif. Enfants sans conduite, maisons tôt détruites.